Conte de fées en français. Le vieux grincheux. Il était une fois, dans la ville de Mohawk, vivait un vieil homme du nom de Monsieur Ray. Et contrairement à son nom, il n'y avait jamais un ray de lumière dans son comportement. Il se plaignait des plus petites choses et accusait tout le monde autour de lui pour tous les malheurs qui lui arrivaient dans sa vie. Un jour, tandis qu'il quittait sa maison pour aller se promener au parc, il entendit sa voisine, la vieille Mrs. Kyle, hurler très fort sur son chien. « Pourquoi tu ne me laisses pas faire mon travail? Laisse-moi nettoyer la maison !»« Vas-tu arrêter, vieille folle? Toujours en train de crier. Je ne peux même plus dormir la nuit avec ton raffut !» Furieux, Monsieur Ray quitta sa maison pour le parc. En arrivant au parc, il marcha jusqu'à son banc préféré et sortit son journal. Marmonnant dans sa barbe, il ouvrit le journal d'un coup sec. Enfin tranquille ici. Alors qu'il commençait sa lecture du journal, il entendit quelqu'un l'appeler. Excusez-moi. Baissant son journal, il se trouva face à un petit garçon qui se tenait devant lui. Il s'appelait Tim. Oui. Excusez-moi, monsieur. Auriez-vous la gentillesse de m'acheter des biscuits, s'il vous plaît? Écoute, mon garçon, je passe déjà une très mauvaise journée. Alors ne la rends pas encore plus pénible. Monsieur, juste une boîte, s'il vous plaît. Je ne veux même pas un seul biscuit. Alors va-t'en. Le petit Tim partit en courant. Monsieur Ray se leva du banc et marcha à la fontaine. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens comme moi? Pourquoi tout le monde doit être aussi pénible? Alors, de derrière la fontaine, un jeune homme tout de blanc vêtu apparut et marcha vers lui. Mais pourquoi je ne peux pas avoir un instant juste à moi? Comment ça se fait que... Calmez-vous, Monsieur Ray. Je suis seulement là pour vous aider. Vous? Qui êtes-vous? Et comment connaissez-vous mon nom? Je suis l'ange de la réalisation. Vous pouvez m'appeler Angie. L'ange de quoi? Du groupe de théâtre d'à côté, hors de ma vue. L'homme était vraiment un ange. Et pour le prouver, il claqua des doigts et une paire de belles bottes argentées apparut par magie. Monsieur Ray fut abasourdi. Quoi? Oh mon Dieu! Tu es vraiment un ange? En effet. Et comme je te l'ai dit, je suis là pour t'aider. Et comment donc? Prends ces bottes. Quand tu seras en colère contre une personne et que tu souhaiteras qu'elle se comporte mieux, porte ces bottes. Les bottes te transporteront instantanément dans la vie de cette personne, dans sa situation exacte. Si tu agis mieux qu'elle, alors tu seras récompensé d'or, d'argent et de diamants. En d'autres termes, les bottes te mettront littéralement dans les souliers de l'autre. À la pensée d'or, d'argent et de diamants, il accepta avec empressement. Mais souviens-toi, si à un moment donné tu réalises que c'était toi qui étais en fait en tort, les bottes te ramèneront à ta vie. Moi, en tort? Jamais de la vie! Très bien, alors. En disant cela, l'ange disparut. Monsieur Ray ramassa les bottes et rentra chez lui. Quand il se réveilla le lendemain, il entendit les cris de la voisine, la vieille Mrs. Kyle. Pourquoi ne me laisses-tu pas travailler? Au nom de Dieu, laisse-moi nettoyer cette maison! Arrête un petit peu! En l'entendant crier, Monsieur Ray se sentit très en colère et se rappela les bottes argentées. Il les enfila de suite et dès qu'il finit d'attacher le dernier lacet, il se réveilla dans la maison de Mrs. Kyle. Waouh! Ce truc marche pour de vrai! Alors, le chien se mit à vouloir jouer avec elle. Lâche-moi! Bah! Se libérant du chien, elle se dirigea dans la cuisine. Oh, j'ai vraiment tellement faim! Voyons un peu ce que la vieille dame a chez elle. Elle trouva un sac de haricots. Oh, des haricots, miam miam! Je vais les cuire de suite! Pendant qu'elle versait les haricots dans un bol, elle réalisa que le chien tirait sur sa robe. Ilia, laisse-moi tranquille. Mais le chien n'obéit pas. Il s'accrocha à la robe et soudain le bol entier de haricots glissa de ses mains et tomba par terre. Cela la mit fort en colère et elle cria très fort. Pourquoi tu ne me laisses pas faire à manger? Mais enfin, pour l'amour de Dieu, laisse-moi cuisiner quelque chose. Je meurs de faim! Et au même moment, il entendit sa propre voix provenant de la porte d'à côté. Vas-tu arrêter, vieille folle? Toujours en train de crier. Je ne peux même plus dormir la nuit avec ton raffut. Ses yeux trahirent la réalisation. Et en un instant, Monsieur Ray fut de retour dans sa propre maison. Une larme roula sur sa joue. Il l'essuya immédiatement. Non, non, je ne suis pas en tort. C'était un piège de l'ange. En disant cela, il sortit de sa maison sans réaliser qu'il portait toujours la paire de bottes argentées. En arrivant au parc, il s'assit à son banc habituel et ouvrit son journal quand il entendit de nouveau la voix du petit Tim. « Excusez-moi, monsieur, achetez-moi une boîte de biscuits aujourd'hui, s'il vous plaît !»« Je n'en veux pas !» En un éclair, Monsieur Ray se retrouva chez Tim. « Réveille-toi, Tim !» Il ouvrit ses yeux sur une femme au visage très pâle. « Sors vendre ces biscuits, mon chéri !»« Je ne pourrai pas y aller non plus aujourd'hui, tu sais !» Il ne dit rien et resta allongé à la regarder fixement. « Dépêche-toi et s'il te plaît, vends assez de biscuits pour qu'on puisse payer, tu sais. Le propriétaire aujourd'hui, autrement on n'aura plus où dormir, mon chéri. » À ces mots, des larmes roulèrent de ses yeux quand il réalisa qu'il avait eu tort à nouveau. En une seconde, il fut de retour au parc, assis sur le banc. Son visage trembla tandis que les larmes roulaient sur ses joues. Il releva la tête et vit le petit Tim s'en aller la tête basse. Il se leva et lui courut après. « Hé, mon petit, attends !» Tim se retourna et Monsieur Ray courut jusqu'à lui, l'arrêta et le prit dans ses bras. « Je suis tellement désolé, mon petit !»« Ce n'est pas grave, vous n'aimez pas les biscuits !»« Oh, bêtise, j'adore les biscuits! Donne-moi tout ce que tu as, et je vais même te payer la somme de tous les biscuits que tu pourras fabriquer en un mois entier !»« Voilà, prends tout l'argent, et ramène-moi donc des biscuits demain !» Ravi, le petit Tim l'embrassa sur la joue et lui donna tous les biscuits qu'il avait. Le même jour, Monsieur Ray alla chez Mrs. Kyle et lui offrit tous les biscuits. Oh, pourquoi vous me donnez tout ça? Oh, eh bien, disons que je n'ai pas exactement été un bon voisin. Alors c'est ma façon de dire désolé. Vous êtes trop gentil, Ray, merci. Oh, ce n'est que le début. Et ainsi, Monsieur Ray, l'homme en colère, se transforma en un homme généreux et au grand cœur. Il ne cria plus jamais sur les gens. Tim et lui devinrent meilleurs amis. Quant aux bottes argentées, il les garda dans son salon en souvenir du fait que c'est très important d'être empathique et qu'avant de juger les autres, il faut toujours essayer de se mettre à leur place.